Chapitre 11. Les bisons. Quand les Sioux sont campés, ils envoient toujours aux quatre coins de l'horizon des coureurs à la découverte des troupeaux de bisons. Les migrations de ces troupeaux sont très irrégulières et très capricieuses. Tant qu'ils trouvent de l'herbe en un endroit, ils y restent. Tantôt ils tirent à droite, tantôt à gauche, tantôt directement devant eux. Mais pendant tout l'été, ils poussent au nord. Aux premières neiges, ils redescendent toujours capricieusement vers le sud. De ces habitudes, il résulte que les troupeaux de bisons sont les uns en avance, les autres en retard. Le lendemain de la chasse au jaguar, un coureur signala un de ces troupeaux retardataires. C'était une bonne fortune pour la tribu qui manifesta la joie la plus vive. Le sachem sortit vivement de sa tente au rapport du coureur, poussa le cri de guerre pour mettre ses guerriers sur pied. Ce cri, toute l'Amérique le connaît. Ce cri est celui de tous les Indiens, de ceux du Nord comme de ceux du Sud. Il produit une singulière expression de déchirement sur l'oreille. C'est une sorte de plainte très longue, suraiguë, poussée au plus haut de la voix et rendue vibrante par de très rapides battues de deux doigts sur les lèvres. Ce cri s'entend à des distances inouïes. Il impressionne beaucoup les Blancs et les officiers américains en ont constaté l'effet démoralisateur sur leurs soldats. Comme tout guerrier, le sachem avait son sifflet de guerre. Ce sifflet est fait avec le fémur d'un dindon sauvage, et selon que l'on se sert de l'une ou de l'autre extrémité, les sons sont différents. Une de ces extrémités est consacrée aux signaux en avant. L'autre donne les signaux de retraite. Mais les modulations sont très diverses. Ainsi, elles indiquent un mouvement tournant par la droite ou la gauche, en retrait à droite ou à gauche, etc., etc. Tous les guerriers connaissent les signaux de leur sachem. Tous les braves connaissent ceux de leurs guerriers. Ce sont du reste les mêmes, mais précédés de la modulation particulière aux guerriers. Ces coups de sifflet stridents dominent tous les bruits de la bataille. Le sachem siffla, à l'extrémité dite « en avant », une modulation qui signifiait « en selle pour chasser le bison ». Pas d'ordre plus agréable à recevoir. Aussi, quel empressement. C'est que le gibier par excellence est le bison, qui à lui seul ferait vivre l'Indien. Ces territoires sont pourtant des paradis de chasse. On y trouve l'élan superbe, le beau cerf vapet, le daim si tendre, l'ours blanc et l'ours grizzly, le cygne, l'oie, le canard, la jolie note, le coq de bruyère, le dindon sauvage, la perdrix et la caille américaine. Du petit gibier de plumes ou de poils en quantité incroyable. Mais pour l'Indien, rien ne peut surpasser le bison. D'abord, il va par troupeau de 100 à 1000, 2000, 3000 têtes. Quelles hécatombes on peut faire? Tout est bon dans le bison. La peau d'abord. Elle fournit les grandes tentes de stationnement, les petites tentes de chasse. On en fait les grands manteaux et les tuniques chaudes d'hiver. On en fait les mocassins de fatigue. La langue du bison et la bosse, qui sont d'une finesse de goût incroyable, sont fumées et gardées pour l'hiver. Le reste de la viande surpasse celle du meilleur bœuf français, et, fumée, elle vaut celle des jambons d'York. Le mufle et les pieds donnent des pâtés gélatineux délicieux. Les os des jambes brisées, on retire une moelle plus délicate que du beurre de présalé, qui, légèrement salé, se conserve aussi longtemps que de l'huile. Avec les tendons, on fait des cordes d'arc et des cordes diverses. Les nerfs sont du fil à coudre. On couvre les boucliers avec les peaux et celles-ci cousues, les coutures recouvertes de colle forte pour être imperméables, donnent des outres pour transporter les liquides. Enfin, en faisant fondre les sabots, les Indiens obtiennent une colle forte incomparable. Ils en enduisent leurs boucliers, et après avoir enroulé des tendons de bison autour de leurs arcs, ils recouvrent le tout de colle forte, qui communique à l'arc une solidité et une élasticité extraordinaires. Il est assez étrange que notre industrie ne se soit pas emparée de ce procédé dont l'excellence est cependant bien connue. En beaucoup de cas, la meilleure gutta percha ne vaut pas cette colle forte indienne. Pour aller à la chasse et à la guerre, les Indiens ont un costume et une peinture. Un costume, cela se comprend, puisque ce costume consiste à être vêtu le moins possible pour ne pas être gêné dans ses vêtements. coiffure complète, chaussures complètes, mais le torse nu. Une sorte de caleçon et c'est tout. Et voilà le pourquoi de la peinture. C'est une protection contre le froid et contre le chaud du soleil. Et c'est une preuve de plus de l'origine indo-sémite des Indiens. En effet, on retrouve cette habitude de se peindre chez tous les nègres d'Afrique, qui sont des sémites originaires de l'Inde. Semis préhistoriques sur lesquels on a publié récemment de curieuses études. Tout l'Est africain, tout le centre, se teint avec de l'ocre rouge mélangée d'huile de palme ou d'éleusine. Au Soudan, le nègre se contente de se masser avec de l'huile sans peinture. Nos Arabes, en expédition nocturne, vont entièrement nus. Ils ne veulent pas qu'une main, au cours de leur vol, puisse saisir leurs vêtements. Leurs membres huilés glissent comme des anguilles dans le poignet qui les empoigne. Et tous ces gens-là sont des sémites. Les Indiens, eux, pilent des braises, de l'ocre rouge, de l'ocre jaune, de la craie ou de l'argile blanche, et ils mélangent ces ingrédients avec de la graisse d'ours. Après quoi, ils se peignent en observant les coutumes de leur tribu. Les uns ont la moitié du visage noir, l'autre moitié rouge. D'autres ont le front rouge, le nez et le front blanc. Il ne faut pas oublier, parmi les armes des Indiens, le tomahawk. C'est une hachette, arme dangereuse, qu'ils lancent avec une très grande adresse. Souvent, elle termine le combat ou arrête l'ennemi dans sa fuite. Lancée à 30 ou 40 pas de distance, elle s'enfonce dans le cou qu'elle entame profondément. La façon dont les Sioux attaquent un troupeau de bisons rend ce genre de chasse très brillant, très animé. Les cavaliers se précipitent sur l'arrière-garde du troupeau en fuite et chacun d'eux attaque un bison à coups de lance. L'animal, pressé par le cavalier, se retourne menaçant. Corne basse, ils font sur l'ennemi. Avec le plus grand sang-froid, le Sioux fait volter son cheval et il évite le terrible coup de corne. Le bison, lancé à toute vitesse, ne peut se retourner brusquement. Il faut qu'il décrive un cercle assez grand et c'est ce qui le perd. Le Sioux qui l'a laissé passer et qui le poursuit, le prend en flanc et le larde de sa lance à plusieurs reprises. L'animal tombe épuisé par la perte de son sang. Mais il arrive que plusieurs bisons chargent un seul cavalier. Celui-ci, en très grand danger, évite avec une adresse admirable ses adversaires, et il manœuvre au milieu du tourbillon qui l'enveloppe. C'est un spectacle étourdissant, surtout quand il y a en selle 300 cavaliers, comme c'était le cas. Les enfants, depuis l'âge de 8 ans, étaient en selle et s'apprêtaient à flécher les bisons. Ils lancent tant de flèches que les animaux sur lesquels ils s'acharnent ressemblent à de gigantesques porcs-épics. Dès qu'un animal est tombé, les femmes qui suivent à pied se jettent sur le mort ou le mourant, le saignent en l'égorgeant, le dépouillent et le découpent sur sa peau. Aux chiens qu'elles écartent à coups de bâton, elles n'abandonnent que la rate et les poumons dont ils font curer. Cette scène de boucherie est des plus mouvementées. Les 300 cavaliers arrivèrent sur un troupeau de 2000 têtes. Ils s'étendaient noirs sur la prairie qui sonnait sous ses pas, car il était en marche, suivi par une centaine de loups blancs. Les grands mâles à l'arrière repoussaient ces loups que, de temps à autre, ils chargeaient et dispersaient. Après quoi, ils regagnaient au galop leur poste, en queue du troupeau. En somme, les loups ne pouvaient étrangler que les bêtes malingres, fatiguées, qui restaient en arrière. En un instant, le retardataire était entouré, coiffé, étranglé. En 10 minutes, il était dévoré. Des combats furieux s'engageaient de loup à loup sur les ossements. À la vue du troupeau, le sachem lança un coup de sifflet. Les chevaux prirent le trot, le troupeau, sentant le danger, hâta l'allure. Mais les cavaliers gagnaient. Alors les bisons s'emballèrent dans une fuite désordonnée. À mesure que l'on se rapprochait, l'on devinait empester les chaudes émanations de ces énormes bêtes, aux poils longs puant le suint. Cette âcre odeur saisit les chasseurs à la gorge. Elle est si pénétrante qu'elle fait jaillir les larmes des yeux. « Elle fait pleurer comme si l'on épluchait des oignons », disent les trappeurs. Sur un second coup de sifflet du sachem, la troupe prit le galop. La tempête à cheval, selon la magnifique expression biblique, allait fondre sur un tourbillon de chair vivante et palpitante. Près du sachem, la lance en arrêt, Mademoiselle de Pellouer et Nadalie poussaient comme les Sioux des cris sauvages. On atteignit le troupeau. Les petits archers décochèrent leurs flèches, dont pas une n'était perdue. Chaque lancier choisit sa victime. Furieuse clameur, beuglement assourdissant. Une trombe d'hommes et de chevaux dans le tourbillon du troupeau. Tout à coup, mademoiselle de Pellouère, qui n'avait pas l'habitude de cette chasse, eut son cheval éventré. L'animal tomba, elle avec lui et sous lui. Mais le sachem avait l'œil sur elle. Il ne chassait pas. Il surveillait les chasseurs. Son coup de sifflet, appel assez brave à lui, retentit. Cheval et jeune fille furent entourés, défendus. Les bisons furent détournés. Deux hommes qui mirent pied à terre dégagèrent mademoiselle de Pellouère. Elle remercia, remonta sur un autre cheval et continua à chasser. On parvint à tuer des centaines de bisons. Les chevaux lassés, n'en pouvant plus, on renonça à la poursuite. Quant au loup blanc, il s'était enfui dès l'apparition des Sioux. On alluma des grands feux et l'on fit des grillades. On laissa paître les chevaux. Ils étaient dans l'herbe jusqu'au ventre et ils s'en donnaient à cœur joie. Ils hennissaient de plaisir. On fit un repas succulent, rien que des filets. La viande, bien saisie, saignait sous la dent, ayant gardé toute sa saveur. Mademoiselle de Pellouère racontait plus tard que, de sa vie, elle n'avait fait un meilleur repas. Sa chute ne lui avait fait que quelques contusions sans gravité. Elle en était quitte à bon compte. On chargea sur les chevaux les peaux et la viande, et l'on retourna au camp à pied. Peu après l'arrivée, on commença à boucaner les chairs. La tribu était heureuse, ses réserves d'hiver étaient assurées.